tu l'es pas. C'est toujours elle qui fait la meuf. Pourtant c'est pas du tout la plus géja. Pourquoi tu oses m'appeler mon ref? Depuis quand on se connaît, sale bata? 100 000 albums vendus plus tard. On me critique tout le temps, mais c'est la vie. Tu enquêtes sur la vie des autres. Tu veux changer de vie, mais jamais de la vie. À croire que tu n'es pour juger les gens tort, tort. Le soir, quel effet ça fait quand on parle de moi? Sur Twitter, les oreilles qui sifflent, j'ai le mal de mer. Y'a pas de galère, t'es pas fatigué de tes commentaires. Nique ta grand-mère. Johnny Mac, Johnny. En soirée, fonce des avec la micheton la plus folle pour pas se souvenir de la soirée. Pourquoi cette meuf fait la folle avec les habits de sa copine? Ça joue les meilleurs amis sur Snapchat, mais ça gère le mec de sa copine. J'suis pas dans le jugement, mais mets-toi de ce qui te regarde. Si on se met à faire ton jugement, tu voudras faire la bagarre. J'suis pas dans le jugement, mais mets-toi de ce qui te regarde. Si on se met à faire ton jugement, tu voudras faire la bagarre. Johnny Mac, Bonda maman, Bonda maman, Bonda maman, Bonda maman.